pas une vanne qu'on a fait 53 fois à la radio, notamment moi, par jour. Ça se compte en milliers, hein. Salut, merci d'être là, 16h. Et la petite chose blonde à mes côtés s'appelle Mathilde. Bonjour. Bonjour. Oh Thomas, bonjour. Colore le monde sans feutre, sans épreuve ni bombe. Indolore les murs et coule dans le fleuve la facture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge. À jamais. Sometimes I feel like giving up. No. can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Elle, elle a une tête de canaille. Tu trouves pas que Mathilde a une tête de canaille là? C'est vrai. Elle a la tête de quelqu'un qui va faire des bêtises. Elle a une tête de canaille. Les tartines RTL 2 avec Eric Jean-Jean et Mathilde Courgeot. Comment ça, la petite famille? Ça va bien, ça va bien. La tête de canaille, elle va bien. Ah oui, il paraît qu'il faut commencer peut-être à chanter un petit quelque chose, non? Ah oui. Ah oui. Laissons style. Avec les meilleurs gâteaux du monde quand même. C'est ça, on remercie Iman de Cave & Coconut et son cookie géant, méga, incroyable, génial de l'univers. C'est trop bien. C'est paléo et vegan. J'adore ces cookies. C'est génial. On avait fait connaissance il y a, quelques mois. On avait été reçus ici. Enfin, on avait reçu des cookies. C'était trop bon. Les meilleurs cookies du monde. On va partager. Sauf que vous êtes beaucoup trop dans le studio. On n'a pas assez de cookies pour tout le monde. Je suis désolé. Il va falloir rester là, monsieur. Il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup, Iman. Cave & Coconut. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. C'est délicieux. Ah, mais trop bien. Bah, écoutez. Et surtout, bon anniversaire Eric. J'ai envie de dire merci à tout le monde. Happy birthday. Mais merci. Ah, c'est toi, coquine. Oui, très bien. Bah, merci. Vous avez la tête de gens qui me font un cadeau. Ça me fait très plaisir. Faut souffler maintenant. D'accord. À 3, 1, 2, 3. Chanson d'anniversaire. Michel, tu es dans mon cœur. Bon, et ben qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant qu'on va manger le gâteau? C'est ça, une belle émission pop rock, hein, tout simplement, avec des nouveautés. Ça sera le nouveau Smashing Pumpkins tout à l'heure. Brice, évidemment, à 17 et 18h. Toujours le bootleg du Drive. Et je n'ai pas indiqué, c'est étrange. Mais bon. 51 ans, monsieur, 51 ans. Bravo. Ça se voit. Alors, des dents neuves, 3 liftings. Mais la vie est belle. Impec. Vous êtes trop mignon, ça me fait trop plaisir. C'est chouette, j'adore ces cookies. Mais il faut pas la laisser partir. J'ai un autre cadeau. Et tiens, t'as un petit cadeau aussi quand même. Dans un sac RTL2 en plus. C'est dire si on est corporate. Mais non. C'est un tour de cou. Alors. Oh, mais trop bien. Mais non. Le maillot de gardien de but de Gianluigi Buffon, époque Juventus de Turin, ma préférée. Ah, merci, ouais, les copains. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient man. Turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.

Franz et Eugénie sur RTL 2. Alors, regardez les images. Alors, je crois que j'ai enlevé ma chemise devant les caméras, hein, c'est ça. Mais a priori, il n'y a pas eu de remarque. Mais c'est sûr. Je me suis mis dans le coin du studio, j'ai tourné le dos, j'ai enlevé. Parce... Ah bon. Alors, vous avez peut-être vu mon dos à la caméra. Du coup, il y a une caméra qui est tombée. Hein. et donc, je porte le maillot que j'ai eu comme cadeau d'anniversaire de la part de l'équipe du Drive. En fait, c'est le maillot rayé noir et blanc de mon équipe préférée en Europe, qui s'appelle la Juventus de Turin. Et surtout, le maillot de mon gardien de but préféré de tous les temps, qui s'appelle Buffon, qui désormais joue au PSG, tout ça. Joyeux anniversaire. Donc, c'est l'anniversaire d'une de nos fidèles auditrices aussi. Elle s'appelle Hélène. Joyeux anniversaire, Hélène. Bisous, Hélène. Nous sommes frères et sœurs astro, c'est ça. Mm-hmm. Tant qu'on n'est pas frères et sœurs gastro. Ok, alors après cette vanne, c'est ton anniversaire, donc on te la passe. Ce qui est sûr, c'est que la nouveauté du jour dans quelques instants, c'est les Smashing Pumpkins. Et on voulait écouter le... Non, on écoute plus tard. Le bootleg. On écoutera tout à l'heure, là, au calme, avant d'avoir fait un truc intelligent, parce que là, on vient de faire des bêtises, tout ça. Moi, j'aimais bien ma blague, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû la garder pour autour de la table, hein, c'est ça, et pas au micro des auditeurs. Je suis désolé, je vous embrasse fort. Merci pour tous vos petits messages partout, tout le temps. Et puis maintenant, on va faire de la vraie radio. Salut, c'est Francis Zégut. Cet été, nous avons bourlingué, découvert de nouvelles contrées inconnues. Et nous avons ramené dans nos besaces des nouveautés rock'n'roll, des pépites incroyables, des classiques à tomber. Tout ça à partager avec vous dans RTL 2 Pop Rock Station by Zégut. C'est beau. Tous les soirs, 22h minuit, Pop Rock Station by Zégut sur RTL 2. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron ? Oui, quoi encore ? Oh, on a un pépin, je suis chez Lidl. Et demain et après-demain, le sachet de 2 kg de pommes bicolores plus 1 kg gratuit est à 2,99€. Et elles sont certifiées verger éco-responsable. Hein. 2,99€ ce sachet de 2 kg de pommes bicolores plus 1 kg gratuit chez Lidl. Ah oh, oui patron, et c'est le vrai prix, hein. Soit 1€ le kilo. Et origine France, hein. Ah oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 115-150, variété Gala, Elstar, origine France. Vous cherchez une solution de rangement à prix bas ? 17,90€. 17,90€ ? Eh oui, la malle de rangement utilitaire 68 litres Skida est au prix incroyable de 17,90€. 17,90€ seulement pour cette malle résistante, pouvant contenir jusqu'à 60 kg, cadenassable et facile à transporter grâce à ses roues solides, et en plus elle est en stock toute l'année. Oh, je ne peux y résister. Retrouvez toutes nos offres de rangement à prix bas, en stock toute l'année. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Qui peut concurrencer la MAF ? MAF, lance-tonnerre de MAF ! 2 mois gratuits pour tout nouveau contrat multirisque professionnel. Vous devez répliquer. Rien à faire, les clients pro préfèrent MAF pro. Vous avez échoué. Jusqu'au 31 octobre 2018, c'est 2 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Je préfère la MAF. Condition de l'offre au 35, service et appel gratuit ou sur maf.fr. RTL2. Ils sont bons ces chocolats que j'ai trouvés dans ta chambre. Moi, j'en ai descendu toute une boîte. Oh mais maman, c'était pour financer notre voyage scolaire. Ah oui ? Oui, on fait une action solidaire. Comme ça, tout le monde va pouvoir partir. Super initiative. T'as pensé en proposer à mamie ? Une idée gourmande signée initiative.fr. Depuis 25 ans, initiative.fr propose des solutions clés en main aux associations de parents d'élèves et clubs sportifs pour financer les projets associatifs. Et la vente de chocolat est toujours un succès. Rendez-vous vite sur initiative.fr. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Du 13 au 30 septembre, les ventes privées Seat sont de retour. Venez profiter de notre SUV ATK avec une remise on ne peut plus épatante. Jusqu'à moins 20%, imaginez. Sans parler de nos offres d'exception sur une sélection de véhicules neufs disponibles tout de suite. Bon, je parle bas parce que ce sont des ventes privées, mais vous pouvez faire partie des privilégiés. Inscrivez-vous vite sur Seat.fr. Offre particulière pour toute commande d'un véhicule neuf disponible sur le site des ventes privées Seat avant le 30 septembre selon stock. Inscription et conditions sur Seat.fr. Si votre partenaire Seat vous y a déjà convié, inutile d'écouter ce que vous venez d'entendre. MMA, la vie en direct, interruption spéciale. Benoît, vous êtes dans la rue. Oui, je suis à la poursuite de Romain, un homme toujours en mouvement, que ce soit en auto, moto, vélo ou en bateau. Oula, mais pour assurer tout ça, il doit pas s'en sortir. Ah si, MMA a inventé MMA Mobilité Premium pour l'assurer dans ses déplacements partout en France et en Union Européenne. Désolé. Envoyez la pub. MMA. Conditions et coordonnées de l'assureur en agence MMA. Tout le plaisir est pour moi. C'est qui cette voix ? Jeanne, t'es avec une amie ? Non, mamie, c'est une enceinte connectée Amazon Echo, regarde. Alexa, quel temps fait-il demain ? Demain, il fera grand soleil avec 22 degrés. Ouah, chambé ? Chambé ! Enfin, mamie, c'est du verlan. Alexa, c'est quoi du verlan ? Le verlan est un argot qui consiste à inverser les syllabes des mots. Diantre ? Alexa, ça veut dire quoi, diantre ? Découvrez le nouvel Echo par Amazon.

sur RTL2, n'importe quoi. C'était Zazie. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Si, je sais pourquoi j'ai dit Vanessa Paradis, parce qu'on est en train de poster sur les réseaux des photos de nous avec Vanessa Paradis. Voilà, tout s'explique. Et il se trouve que l'attaché de presse de Vanessa Paradis m'a envoyé une photo. On a l'impression que je vais lui rouler une pelle. Donc non. Pas t'étais à deux doigts. Non, non, il ne s'est rien passé du tout. On lui a offert des fleurs. Je lui ai donné les fleurs et on s'est embrassé. Mais la manière dont la photo est prise, c'est très bizarre. Bref, alors voici donc après Zazie la nouveauté du jour. En l'occurrence, les Smashing Pumpkins avec Silvery Sometimes. Exactement, le groupe américain icône du rock alternatif des années 90 revient avec un nouvel album le 16 novembre prochain. Il s'appellera Shiny and Oh So Bright Volume 1, No Past, No Future, No Sun. Un titre très très long pour un et album qui s'annonce très bon. Séparation, dispute, les égos ont leur part de responsabilité dans le fait qu'ils n'aient pas créé ensemble depuis l'an 2000. Et aujourd'hui, Billy Corgan, leader, James Iha, Jimmy Chamberlin ont annoncé avoir réenregistré ensemble ce nouvel album. Toutefois, sans la bassiste Darcy Vregzi, avec qui la friction est toujours d'actu. Le deuxième single de l'album s'appelle Silvery Sometime Ghosts, a été dévoilé il y a quelques jours et c'est notre nouveauté du jour. C'est un son pop accessible qui vous plaira, je l'espère, autant qu'à moi, puisque je l'ai écouté trois fois déjà aujourd'hui. Je suis bien contente de vous la passer. Le groupe de Chicago a enregistré ce nouvel album avec le producteur Rick Rubin, producteur barbu et pieds nus, hein, à qui on doit par exemple des chefs-d'œuvre des Red Hot Chili Peppers ou des Beastie Boys. J'espère que vous allez aimer. On l'écoute sur RTL2, ce nouveau Smashing Pumpkins. Ça fait un petit moment qu'on les attendait. Mathilde nous l'a expliqué. Musique, rock, pop, c'est sur RTL2 et notamment la radio des nouveautés. Tout à l'heure, vous passerez une nouveauté pop sur NPR. Demain, précisément. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Pour l'instant, la musique qu'on aime. Ah oui, c'est sur RTL2. Well, like a rocket, touch like a dying sun. des cigarettes dans mon cœur. T'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur. Peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la brinque. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant, viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Cherchons un marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne en air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin, prêt à rester sur terre. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Oshi sur RTL2. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et on va ouvrir le standard maintenant, 32-28. On vous offre toute la semaine, vous le savez, un séjour pour 4 personnes au Puy du Fou. Alors, vous allez jouer avec nous pour ce fameux bootleg du drive RTL2. Vous reconnaissez les 5 chansons pop-rock qui se cachent derrière ce bootleg. Et vous partez donc en famille au Puy du Fou. C'est un cadeau génial. Vous y allez à 4. Hébergement 2 jours, 1 nuit au Puy du Fou dans un hôtel qui s'appelle La Citadelle. 4 petits-déj, un dîner dans un resto qui s'appelle L'Écuyer Tranchant. Des coupons resto pour les déjeuners du midi. Les billets d'entrée pour le Grand Parc pour 2 jours en période verte. Et l'accès au spectacle nocturne des Orgues du Feu. C'est un super cadeau, vraiment, on est très fiers de vous l'offrir. Ça vaut 750 €. Si vous avez envie de visiter cet endroit absolument incroyable, appelez le 3228 quand vous aurez reconnu les 5 titres qui se cachent derrière ceci. Lorsque vous écoutez Adèle, vous êtes sur RTL2. Vous a fait découvrir Harry Styles. Texas, c'est forcément RTL2. RTL2. Le son pop rock. Samsung. Oh là là, il faut bien que je pense à payer ma redevance télé, moi. Ah bah tu vois, ça me fait penser que moi, je vais me la faire rembourser. Bah pourquoi t'as plus de téléviseur ? Au contraire, j'en ai acheté un Samsung 4K. Un téléviseur 4K ? Oui, sur une sélection de téléviseurs Samsung 4K, Samsung te rembourse ta redevance télé. Ah bon ? Oui, et c'est jusqu'au 2 octobre 2018. Oh là là ! Samsung. Voir les détails de l'offre sur samsung.com/promotion. Du 13 au 30 septembre, les ventes privées Seat sont de retour. Venez profiter de notre SUV ATK avec une remise on ne peut plus épatante. Jusqu'à moins 20%, imaginez. Sans parler de nos offres d'exception sur une sélection de véhicules neufs disponibles tout de suite. Bon, je parle bas parce que ce sont des ventes privées, mais vous pouvez faire partie des privilégiés. Inscrivez-vous vite sur seat.fr. Offre particulière pour toute commande d'un véhicule neuf disponible sur le site des ventes privées Seat avant le 30 septembre selon stock. Inscriptions et conditions sur seat.fr. Si votre partenaire Seat vous y a déjà convié, inutile d'écouter ce que vous venez d'entendre. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... On vient d'acheter une maison avec mon mari, mais le chauffage est aussi vieux que les murs. Et ça va être difficile de tout changer avant l'hiver. On vous répond, pour un chauffage vraiment performant, c'est vrai qu'il est préférable de tout changer d'un coup. C'est pourquoi jusqu'au 1er octobre, pour l'achat d'une chaudière à condensation, on vous rembourse jusqu'à 200€ sur vos radiateurs eau chaude. Comme ça, vous êtes sûr de passer l'hiver bien au chaud. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Voir conditions en magasin. RTL2 présente la 31e édition du triathlon Audencia La Baule, samedi 22 et dimanche 23 septembre. Plus de 7000 triathlètes sur 10 courses. Finale des championnats de France des clubs D1 hommes et femmes. Triathlon ouvert à tous en individuel ou en relais. Plus d'infos sur triathlon-audencialabaule.com et rtl2.fr. La 31e édition du triathlon Audencia La Baule, samedi 22 et dimanche 23 septembre. Avec RTL2, le son pop rock. Oh, c'est dingue ça. Ce week-end, Canal Plus diffuse les deux Olympiques. Ah bon, déjà? Mais Tokyo, c'est pas tout de suite. Ah non, non, pas les Jeux, les deux Olympiques. L'Olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille. Ah ouais, je me disais aussi, trop cool, ça promet du beau jeu. Du beau jeu Olympique. Ce week-end, deux Olympiques, un seul sommet. Dimanche 23 septembre, ne manquez pas le choc de la Ligue 1 Conforama, OLOM, à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910. 25 centimes la minute, plus prix appel. Jiffy, tout le monde parle de l'anniversaire Jiffy. Mais pourquoi? Parce que l'anniversaire Jiffy, c'est un jeu 100% gagnant avec 37 millions d'euros à gagner. L'anniversaire Jiffy, c'est aussi et surtout la fête des bons prix avec des centaines de produits à prix fou. Profitez d'une visseuse très pratique multi-embout à 14,90€, d'un service de 18 verres à 10€ et de jolis rideaux jacquard à 6,90€ seulement. Faites-vous plaisir avec l'anniversaire Jiffy. Voir conditions en magasin. Jiffy, des idées de génie. Intermarché vous propose d'écouter 11,95€. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs? Bien sûr, mon chéri. Jusqu'au 23 septembre, le lot de 2 x 23 doses de lessive liquide originale Ariel est à seulement 11,95€ avec en plus 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 4,72€ le litre. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Tout le plaisir est pour moi. C'est qui cette voix ? Jeanne, t'es avec une amie ? Non, mamie, c'est une enceinte connectée Amazon Echo, regarde. Alexa, quel temps fait-il demain ? Demain, il fera grand soleil avec 22 degrés. Ouah, chambé ! Chambé ! Enfin, mamie, c'est du verlan. Alexa, c'est quoi du verlan ? Le verlan est un argot qui consiste à inverser les syllabes des mots. Diantre ? Alexa, ça veut dire quoi, diantre ? Découvrez le nouvel Echo par Amazon. En France, RTL2, le son pop rock. Écoutez ces nouveaux 5 Seconds of Summer, Young Blood sur RTL2. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. was just too drunk and caused about 100 times. So who even calling, baby? Nobody could take my place. Maintenant dans un univers très étrange, celui des Red Hot Chili Peppers, où on pourrait dire que la drogue fait partie à part entière de ce groupe, puisque la chanson qui arrive maintenant, qui s'appelle Under the Bridge, parle d'un moment où Anthony Kiedis ne se droguait pas, mais où les autres se droguaient. Du coup, il se sentait un peu exclu de la bande et il a écrit Under the Bridge, sous les ponts, où il allait prendre de l'héroïne à l'époque. De nouvelles d'ailleurs des Red Hot Chili Peppers. Il rentre en studio pour un nouvel album à la fin du mois de septembre. On a hâte, ça devrait aller vite après, ouais. Début 2019. Et ils sont tous super clean. Ce qui est la bonne nouvelle. Maintenant, ils mangent même du macrobio, ils se font livrer des trucs spéciaux quand ils sont à Paris, c'est n'importe quoi. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me windy. Well, I never worry, now that is a les semaines, et tu te retrouves seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. D'avant, les mêmes endroits, deux fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. Qu'il te reste un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Gabriel, que Mathilde et moi aimerions offrir à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Patrick Pelou, qui nous écoute et qui est, je crois, le président du fan club de Francis Cabrel. Bisous Patrick. Et merci d'écouter RTL 2, il est 17h. Les informations de 17h sont présentées par Brice Boitel. Bonjour Brice. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Marine Le Pen refuse de se soumettre à l'examen psychiatrique ordonné par la justice dans le cadre de sa mise en examen pour la diffusion d'images d'exaction du groupe État islamique. La présidente du Rassemblement national n'a pas manqué de s'indigner aujourd'hui en faisant part de cette toute récente notification. C'est hallucinant, dit-elle. La procédure est pourtant bien prévue par le code pénal pour ce type d'infraction, mais elle peut refuser de s'y plier sans être sanctionnée. Jérôme Kerviel n'aura pas droit à un nouveau procès. La justice rejette aujourd'hui la demande de révision de l'ex-trader condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros à la Société Générale en 2008. Décision motivée par l'absence d'éléments nouveaux dans le dossier, indiquent les avocats de la banque. Deux ours slovènes seront lâchés dans les Pyrénées-Atlantiques début octobre. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, confirme aujourd'hui à Pau la réintroduction de ces deux ours femelles, déjà prévue par son prédécesseur Nicolas Hulot. Une annonce saluée par les ONG. Les éleveurs locaux, eux, ne sont pas du tout du même avis et jurent déjà d'enlever les deux plantigrades. François de Rugy a prévu d'aller à la rencontre des bergers cet après-midi dans un pâturage de montagne. Alors vous prendrez bien une petite cuillerée de yaourt à la gélatine de bœuf, ou alors peut-être que vous préférez de la glace résidus d'insectes. Non, je ne vous parle pas des nouveaux gâteaux qu'on m'a offerts pour mon anniversaire, ni même de nouvelles saveurs à la mode, mais ce sont plutôt ce que Long Food Watch a découvert dans certains de nos aliments les plus courants. C'est complètement dingue cette histoire. L'ONG Food Watch, oui. Alors, ah oui, Long. Long. Pardon. incarné. Alors. Voilà, j'avais pas lu avant. Alors, ce qui s'y trouve justement dans ces aliments, sans que ce soit indiqué nulle part, hein, ce sont justement ces produits d'origine animale, dénonce Foodwatch qui publie une enquête aujourd'hui. Alors, les yaourts sont particulièrement ciblés, mais il y a aussi certains bonbons, hein, les chamallows pour ne pas les nommer, des glaces, des sodas et même des fromages du comté. L'ONG épingle au total une douzaine de produits, souvent de marques très connues. Oui. Non, je n'ai rien à dire, on passe au football. Après la Ligue des Champions et la très belle entrée en matière de Lyon, vainqueur 2-1 hier soir sur la pelouse de Manchester City, place ce soir à l'Europa League avec trois autres clubs français engagés. L'OM affronte les Allemands de Francfort, Rennes accueille les Tchèques de Jablonec, tandis que Bordeaux se déplace sur le terrain du Slavia Prague. David Brissouné. Oui, mais la Juventus ne joue pas ce soir. Ouais, je sais. Joué hier. J'ai joué hier. J'ai le maillot de Buffon à l'époque où il était à la Juventus. C'est trop bien, c'est mon cadeau d'anniversaire. Alors, Ong, je m'en remets pas. Hein. ONG. Non, mais, j'ai parlé de Ong Foodwatch, mais je crois que c'était un nom anglais, tu vois. Ong ONG. Donc, comment tu dis, Thomas? J'ai dit un yacht. Un yacht? Je dis un yacht. Quand on va dans un bateau, on va dans un yacht, c'est ça? Oui, hein, oui. Et quand on va dans un resto italien, on mange des gnocchis. Allez, 32-28, c'est le numéro pour le bootleg, hein, donc le bootleg du drive. On a à vous offrir le Puy du Fou pour 4 personnes, c'est cadeau total, l'hébergement, tout ça. Faut reconnaître les 5 chansons pop-rock. On le passe ou pas, Thomas, le bootleg? Est-ce que oui. Tu peux me caler le bootleg? Voilà, on le passe. Et, écoutez ça. Reviens pas longue. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out, the world is not your kind of thing. Full of shoes. We'll be right back. Eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame me, sleeping satellite. Did we fly to the moon too soon? Did we squander the chance in the rush of the race? The reason we chase is lost in Cher sur RTL2. Je voudrais quand même vous dire un truc. J'ai eu des gâteaux pour mon anniversaire, j'ai eu un maillot de foot et Stéphanie Renouvin vient d'arriver. En m'offrant, je vous jure que c'est vrai, des fruits bio pour mon anniversaire. Merci Stéphanie, c'est vraiment hyper gentil de votre part. Avec grand plaisir. Ah, oui, je savais que ça te ferait plaisir. Désormais, tu es assez facile à contenter, Eric. C'est pratique, c'est économique. C'est tellement vrai. Vas-y, enchaîne. Mais non. Si tu veux un petit jingle, autant pour moi. On y va avec les sorties de la semaine, les sorties d'albums de la semaine. Oui. C'est vendredi, le jour des sorties. On aura Villagers, on aura Slash et on va commencer évidemment par l'événement. D'ailleurs, Stéphanie l'a vu hier soir sur scène, il s'agit de Chris. Et oui, Chris avec l'album Chris, impossible de passer à côté. Elle est partout et d'ailleurs, elle sera dans le drive lundi entre 18h. Elle sera dans le drive lundi entre 18h et 19h. L'album sort demain. C'est de la pop minimaliste, mais riche à la frontière des genres. Chris est conquérante, mais vulnérable et raconte ses états d'âme en poésie brute. Slash, Living in a Dream. Grand stage, c'est le guitariste des Guns N' Roses. C'est ça, accompagné de son désormais fidèle ami Miles Kennedy, Slash déroule ses solos toujours aussi techniques, sans en oublier la mélodie. Il s'affranchit donc des Guns et devient une légende à part entière. Villager, ça je connais pas, The Art of Pretending to Swim. Oh, c'est joli. Oh, écoutez, c'est joli. C'est joli. C'est très joli. Il s'appelle Conor O'Brien et il propose un quatrième album folk teinté. Qui l'Irlandais s'appelle Conor O'Brien. Il y en a combien qui s'appellent Conor? Oui, c'était un peu dans le cliché quand même. Il propose donc ce quatrième album, c'est de la folk teintée de soul après un petit détour par un projet électro. Point trop non faux, c'est de l'authentique, du vrai, de l'humain, tout en étant moderne et urbain dans ce superbe album qui s'appelle The Art of Pretending to Swim. C'est rigolo, c'est l'art de faire semblant de savoir nager. Ouais, très bien. C'est rigolo. Très bien. Demain, coup de cœur, c'est L'album de Prince, Piano and a Microphone, ça sera beau. Très bien, oui, sur des sessions qu'il a enregistrées au tout début de sa carrière, avant le premier album. Merci beaucoup, Stéphanie. Gaëtan Roux, elle arrive maintenant, c'est le nouveau single, il s'appelle Hope. Inverse les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Place des autres, tu dis pourquoi sans même dire un mot. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. L'album sort s'appelle Trafic, il va sortir très bientôt. À cette occasion, il sera notre invité. J'ai jamais la date en tête. L'album sort le 28, donc Trafic, et il sera notre invité le 2 octobre. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire qu'il y aura peut-être quelques-uns d'entre vous qui seront avec nous dans le mini-live. Je voulais dire, j'ai jamais une date en tête, heureusement que Mathilde est là. Et surtout, ne croyez pas les journalistes qui de temps en temps disent juste des saloperies quand les gens sont sympas. Et l'album de Gaëtan Roussel est vraiment bien. Voilà, je l'ai lu dans la presse que c'était pas bien, c'est pas vrai. Comme tous les vendredis, Justine, nous avons un invité dans le Double Expresso RTL 2. Un nouvel invité qui sera Matt Simons. Matt Simons, c'est lui. Ça, c'était Catch and Release. Et vous le connaissez maintenant avec ce We Can Do Better. Bonne nouvelle, il va venir la chanter. Hein. En live, ce sera demain à partir de 8h dans le Double Expresso sur RTL 2. Innovation triphasique. Gilles Dore, vous êtes docteur en pharmacie et directeur des laboratoires René Furterer. Comment expliquez-vous que René Furterer soit le numéro 1 des antichutes cosmétiques capillaires en pharmacie depuis 15 ans? Tout simplement parce que notre sérum antichute triphasique agit sur toutes les causes de la chute de cheveux progressive. Triphasique présente donc des résultats immédiatement visibles dès le premier mois et sans contrainte, juste une à deux applications par semaine. Triphasique de René Furterer, dans les salons de coiffure et pharmacie agréées. Numéro 1 en volume, données IMS 2017. Efficace dès le premier mois selon l'étude EVIC 2017 sur 31 volontaires analysés. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, c'est râpé. Comment ça c'est râpé? Pour les carottes patron, je suis chez Lidl et demain et après-demain ils font le sachet de 2 kilos de carottes à 1,39€. Quoi? 2 kilos de carottes à moins d'1,40€ chez Lidl? Alors là, c'est râpé. Eh ben c'est qu'est-ce que je dis patron? Et origine France hein, 1,39€ les 2 kilos, hein, vous imaginez? Je crois que pour nous les carottes ben... Ben elles sont cuites, je sais, ah, on est mal. On est très mal, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, origine France. Qui peut concurrencer la MAF? MAF, l'ange tonnerre de MAF. 2 mois gratuits pour tout nouveau contrat auto-tout-risque. Vous devez contre-attaquer. Rien à faire, c'est la MAF qu'il préfère. Vous avez échoué. Jusqu'au 31 octobre 2018, c'est 2 mois gratuits sur votre nouveau contrat auto-tourisme. Et ça marche aussi pour les proches. Je préfère la MAF. Conditions de l'offre au 35, service et appel gratuit ou sur maf.fr. RTL 2. Oh, c'est dingue ça. Ce week-end, Canal Plus diffuse les deux Olympiques. Ah bon, déjà? Mais Tokyo, c'est pas tout de suite. Ah non, non, pas les Jeux, les deux Olympiques. L'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille. Ah ouais, je me disais aussi. Trop cool, ça promet du beau jeu. Du beau jeu Olympique. Ce week-end, deux Olympiques, un seul sommet. Dimanche 23 septembre, ne manquez pas le choc de la Ligue 1 Conforama, OLOM, à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur canal.fr. Avec Peugeot Professionnel, vos exploits sont quotidiens. Déplacer plus d'une tonne sans effort vous paraît compliqué? Avec le Peugeot Boxer, jusqu'à 17 mètres cubes de volume utile et jusqu'à 1 tonne 4 de charge utile, transportez vos chargements volumineux, même palettisés. Le Peugeot Boxer Premium Pack avec navigation est à partir de 189€ hors taxes par mois, entretien offert. Crédit bail 36 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par, premier loyer 2 920€ hors taxes, détails sur professionnel.peugeot.fr. Tout le plaisir est pour moi. C'est qui cette voix? Jeanne, t'es avec une amie? Non, mamie, c'est une enceinte connectée Amazon Echo, regarde. Alexa, quel temps fait-il demain? Demain, il fera grand soleil avec 22 degrés. Ouah, chanmé. Chanmé. Enfin, mamie, c'est du verlan. Alexa, c'est quoi du verlan? Le verlan est un argot qui consiste à inverser les syllabes des mots. Diantre? Alexa, ça veut dire quoi, diantre? Découvrez le nouvel Echo par Amazon. Intersport. Louis n'a pas trop d'idées pour occuper ses week-ends. Non, je vais souvent au cinéma. Oh, Louis, vous me semblez peu inspiré. Bah, j'aime aussi les séries télé. Mais Louis, il faut bouger. Vous trouverez plein d'activités sportives passionnantes chez Intersport. Et en plus, ce week-end, parmi toutes nos grandes marques, vous avez moins 30% sur votre article préféré. Eh Louis, tu viens? Viens, Louis. Ok, j'arrive, les gars. Bienvenue dans la famille du sport, Louis. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Offre valable du 21 au 23 septembre grâce à votre carte Intersport. C'est ma femme. Tu m'avais dit, chez Opel, ils reprennent tout ce qui roule 4 300€ pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris. J'ai dit 4 300€ contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. En plus, l'offre, elle était prolongée jusqu'au 30 septembre. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. En prolongeant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 septembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300€ minimum pour l'achat d'une Corsa 9 en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Interruption spéciale. MMA a inventé MMA Mobilité Premium pour vous assurer dans vos déplacements partout en France et en Union Européenne. MMA. Conditions et coordonnées de l'assureur en agence MMA. Intermarché vous propose d'écouter 11,95€. Maman, je peux aller jouer au foot dans la boue sous la pluie avec mes vêtements blancs tout neufs? Bien sûr, mon chéri. Jusqu'au 23 septembre, le lot de 2 fois 23 doses de lessive liquide originale Ariel est à seulement 11,95€ avec en plus 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 4,72€ le litre. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Salut, moi c'est Bruno. Bruno optimiste. Eh oui, je positive tout. Par exemple, si les freins de ma voiture sont usés, je dis super. Et si mes pneus sont aussi usés, je dis trop super. Car en ce moment, chez Citroën, jusqu'à 320€ de carburant sont offerts sur une sélection de prestations. Donc, plus j'entretiens ma voiture chez Citroën, et plus je fais de plein de super. Bref, super. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre

Question, c'est Beauty Freak, Thomas. Allez, on va jouer maintenant au bootleg du drive. Nadège nous rejoint. Bonjour Nadège, comment ça va? Oui, bonjour, ça va, je vous entends d'un peu loin. J'adore votre accent. Vous êtes dans le Var, vous êtes où exactement, petite Nadège? Alors, à une petite ville, mais plus le nom du patelin est grand et plus la ville est petite. Ça s'appelle Seillon-sur-d'Argence. Oh, c'est joli. Alors, je vous présente une jeune de Toulouse qui s'appelle Mathilde Courgeot. N'essaie pas de faire l'accent, s'il te plaît. Bonjour Nadège, bienvenue sur RTL2. C'est vrai, j'ai pas l'accent de Toulouse. Bienvenue Nadège, attention, pour le Puy du Fou, c'est vraiment chouette. J'espère que ça va le faire. Vous allez pouvoir partir avec vos deux enfants qui ont quel âge? 5 et 8 ans, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, exactement. Pas encore 8 ans, peut-être qu'on fera son anniversaire là-bas. Ah, ce serait tellement bien. Alors, 5 chansons pop rock RTL2. À vous de jouer. C'est Mathilde qui gère tout maintenant et elle est pas commode. Hein, on écoute le bootleg. Bon. Alors, Nadège, on vous écoute avec vos 5 propositions. Moi, j'ai reconnu Pony Pony Run Run. Oui. J'ai reconnu Queen. Oui. Another One Bites the Dust. Ouais. J'ai reconnu toute ma jeunesse Niall Barclay. Ouais. Bon, il y avait deux Palmas, ça, j'en suis sûre. Ouais. Et le dernier, je suis pas certaine, mais je